plutôt Nikki. J'aime les gros chibres. Une grosse biatch à mes côtés. Ma bite est là pour l'hydrater. Allez bébé, avale s'il te plaît. Non, il y a trop de monde. Imagine qu'on est dans le désert. Ok. T'assois, mais t'as plus d'eau. T'es déshydraté. Mon gland sur tes lèvres de mes couilles à ta gorge se fait le transfert. Tu suces comme ta mère, je pense que c'est héréditaire. Si t'as encore soif, je suis là. Surtout faut pas hésiter. Le sperme rend les femmes folles. Tel un requin avec le sang. Elle en veut plus alors que j'ai giclé l'équivalent d'un étang. Calme-toi un peu salope, ma bite c'est pas une fontaine. Allez, gicle, gicle, gicle. Ferme-la, tu me files la migraine. Oh. Il fait beau, on est en été. C'est le son de la maturité. Oui. Les nanas exhibent leur tété. Sauf les féministes qui ont rien à montrer. Un gros chibre dans ma tocha. Un gros chibre dans ma tocha. Rentre-y, même tes couilles dans ma tocha. Déchire-moi, ma belle nuisette. Déchire-moi, ma belle nuisette. Ensuite, tu rouleras sur ma sœurette. Oui, ma sœurette. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. On joue au strip poker. Je fais exprès quand je perds. C'est curieux avec le temps. Comment on change radicalement? Oh oh. Quand j'étais petit, je faisais du yo-yo. Oh. Maintenant, je nique des buts en hurlant YOLO. Boum! C'est le bruit que font mes boules. Je gicle sur les gens, j'appelle ça un bain de foule. Hey. T'as de jolis yeux, mais t'es moche, je te mets une cagoule. Je baise ma sœur comme le font les bougnoules. En été, une pluie de putes qui veulent seulement sucer des flûtes. Avale trois chibres à la minute, hurle leur envie qu'on les culbute. Tu peux pas marcher 3 mètres dans la rue sans qu'il y ait des chiens en russe. 5 bits dans la chatte, 5 dans le cul. Technique de brute, c'est la crise, le monde va mal. C'est compliqué, mais c'est pas grave du moment qu'on peut toujours niquer. Je baise une de mes groupies, sur ma bite elle s'est assise. Toutes les mêmes, à chaque fois qu'elle m'aborde, elle me dit un gros chibre dans ma tocha. Chibre dans ma tocha, rentre-y, même tes couilles en ma tocha. Déchire-moi, ma belle nuisette. Déchire-moi, ma belle nuisette. Ensuite, tu rouleras sur ma sœurette. Oui, ma sœurette. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. On joue au strip poker. Je fais exprès quand je perds. Un gros chibre dans ma tocha. Un gros chibre dans ma tocha. Rentre-y, même tes couilles en ma tocha. Déchire-moi, ma belle nuisette. Déchire-moi, ma belle nuisette. Ensuite, tu rouleras sur ma sœurette. Oui, ma sœurette. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. Telle fille, telle mère, c'est héréditaire. On joue au strip poker. Je fais exprès quand je perds.